Join me on R.I.G. Alléluia. R.I.G. Oh, la marche, c'est un son toujours de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur Ériger, la radio de June Hayday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission Johnny de A à Z. Et ce soir, j'ai un invité spécial. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Comment vas-tu Jean-François? Écoute, très très bien, en pleine forme, plein d'activités. Pour Johnny, pour des tas de choses, mais tout va bien, tout va bien. C'est magnifique. Donc ce soir, tu nous as concocté une petite programmation. Et puis aussi, en même temps, on va parler de divers sujets. Ça, la dernière fois que tu es venu sur la radio, c'était en décembre 2018. C'était après l'année dernière, oui. Voilà, on avait parlé du concert de sa vie. Exact, la fameuse compilation exact, concert de sa vie. Qui est sortie juste avant les fêtes de Noël. Voilà, on avait parlé également un peu de Johnny 67. Et ce Johnny 67 est sorti, fin mars. Ouais. Et là, on va parler un peu du... On va en reparler un petit peu. On va en reparler, bien sûr. Et puis de la suite. Exactement, voilà. Comme ça, vous serez enfin au courant, chers auditeurs et auditrices de RIG, de l'émission Johnny de A à Z. Donc Jean-François, plus besoin de te présenter, je pense. Hein. Biographe donc du livre Johnny 60 ans de scène et de passion chez Flammarion. Absolument. On précise, hein, on précise. Oui. Et puis en même temps, tu as une petite actualité avec des podcasts. Tu es co-animateur des podcasts 51 podcasts Johnny Hallyday. Absolument. Alors ça, c'était une expérience très amusante, passionnante à faire. C'est un producteur, éditeur de musique qui a en fait acheté mon livre et qui m'a contacté par les réseaux sociaux. En me disant voilà j'ai une idée, j'aimerais bien que raconter l'histoire des 51 albums studio de Johnny et j'aimerais le faire avec vous. Alors sur le principe je trouvais ça sympa, j'ai dit bah écoute voyons-nous, viens me voir à mon école à Paris parce que tu sais je fais de la formation tout à fait au management du sport à Paris et donc j'étais à Paris à ce moment-là et je lui dis bah viens prendre un café, on discute. Et donc il est venu, il s'appelle Francis, c'est quelqu'un extrêmement sympathique, le contact est passé tout de suite. Francis Chaillet, oui. Francis Chaillet, voilà, et il m'a dit, voilà ce que je voudrais faire. Alors je lui dis, mais tu veux qu'on enregistre ça où et tout? Et chez moi, je suis équipé, rue de la Boétie. Ah parfait, en plus c'est sur la ligne 9 du métro, moi ça me va très bien. Et à ce moment-là, on est parti, il m'a dit, je voudrais commencer, alors ça c'est quand même une idée un peu saugrenue, mais que j'ai adoré parce que j'adore l'album, on va commencer par Hamlet, qui est pour... Quand même, pour les 51 albums de Johnny, commencer par Hamlet, je crois que ça s'est jamais fait dans aucune série, collection. C'est peut-être le dernier album auquel on va penser. Voilà. Hein? Donc, c'était très bien. On a commencé par Hamlet, puis on a fait le grand bond, parce qu'après, on a fait Salut les copains. Mm-hmm. Donc, mais c'est très sympa, parce qu'on se balade finalement dans le temps. Il n'y a pas de chronologie. On passe d'un album à l'autre. Et l'idée, c'est d'essayer de raconter un petit peu dans quel contexte ces albums ont été faits, avec quel musicien, dans quel studio, et de faire une sélection de chansons. Ce qui est sympa, c'est que j'ai pas mal de copains qui écoutent, et il y en a plein qui me disent soit tu nous fais découvrir des chansons, soit tu nous rappelles des chansons qu'on avait complètement oubliées. Donc ça, c'est plutôt un objectif qui est atteint. Oui, bien sûr. Et puis sinon, bah écoute, les retours sont plutôt bons. Alors, ouais, c'est vrai qu'on essaye d'être précis, de pas faire d'erreurs. J'en fais, je m'en excuse auprès de ceux qui les ont repérés. J'ai fait une erreur sur l'album Ça change pas un homme parce que je me suis fié aux déclarations, à une interview que j'avais regardée, parce que je prépare quand même mes podcasts, du producteur, qui en fait a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes sur des titres signés Bon Jovi et Tony Joe White. Donc bon, voilà, j'ai repris ses propos et qui étaient un peu erronés, mais ça c'est pas grave parce que c'est des choses qui arrivent comme ça dans la carrière de Johnny. Il y a beaucoup de beaucoup de choses qu'on a racontées qui sont pas tout à fait exactes. Donc mais j'essaie vraiment d'être le plus rigoureux possible, le plus précis possible, et puis de faire vivre finalement ma passion. Bien sûr. Et on se rend compte de la densité de l'œuvre, parce que tu passes d'un album à un autre, d'un style à un autre, d'une ville à un autre, d'un studio à un autre, de producteur, c'est extraordinaire. Enfin, la carrière de Johnny, la carrière artistique de Johnny, elle est exceptionnelle. Enfin, il y a pas de mots, quoi. Et donc, c'est de plonger dans l'histoire. On enregistre on diffuse tous les 15 jours. On essaie maintenant d'enregistrer deux podcasts à chaque fois. Combien de temps vous mettez pour enregistrer un podcast? Une heure. Il faut une heure. Ouais. Après, il fait le montage. C'est lui qui fait le montage. Des petites coupures quand même. Il y a des. Ouais, pendant une heure, on s'arrête pas. Hein. Ouais. On s'arrête pas. En fait, si tu veux, on prépare avant. Je mets sur le papier les idées que j'ai envie de développer. Il établit un fil conducteur. Et on est face à face, comme je suis avec toi, chez lui, avec micro. Et donc, voilà. Un micro ICE. Hein. On engage le dialogue. Et puis, on essaie de ne pas s'interrompre. Et le prochain qui sera diffusé me tient particulièrement à cœur. Et en plus, il risque d'être un peu plus long parce que j'avais beaucoup de choses à raconter. C'est l'album Rivière ouvre ton lit, qui est un album évidemment monumental dans la carrière de Johnny. Et on en parlera. Et qui, pour moi, est l'album qui a tout déclenché, surtout le spectacle qui a tout déclenché. Et donc, j'ai beaucoup de souvenirs. Et il y avait un peu d'émotion même quand j'ai raconté ces souvenirs, parce que ça m'a replongé dans ma jeunesse. Hein, et la première fois que j'ai vu Johnny sur scène. Donc, celui-là, il va être diffusé dans 15 jours. Je ne l'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore entendu le montage, mais je l'attends avec impatience. Voilà, mais depuis aujourd'hui, ou depuis hier soir, hein, je crois même, hein, il est sorti donc le nouveau podcast. Alors, 51. Le numéro 8, La Terre Promise, voilà. qui est un album que j'ai un plaisir à écouter permanent, qui était une vraie parenthèse de fraîcheur, je trouve, dans la carrière de Johnny. Et quand on l'a écouté, quand on en a parlé, je me suis rendu compte à quel point c'était un bonheur de se replonger dans cette country music et dans cette couleur musicale que Johnny est magnifique. Il y a une fan de Johnny à qui je corresponds sur Twitter qui a envoyé un message comme quoi elle pensait que c'était le style où Johnny était probablement le plus heureux, le plus à l'aise, et je suis pas loin de le penser. Je pense que malheureusement la France n'aime pas la country. Merci Georges Lang de nous emmener à Nashville avec cette Amélie Country, oui. Des années pour nous faire découvrir cette musique magnifique. Mais les Français n'aiment pas le country, donc ne connaissent pas ou n'aiment pas. Nous, on adore. Oui, ici, sur RIG, on adore la country music. Il y a des gens qui adorent, qui sont des connaisseurs, des vrais connaisseurs. Globalement, le grand public n'aime pas la country. Et donc, tu leur parles de Garth Brooks, je pense qu'il est totalement inconnu. D'ailleurs, il n'a jamais mis les pieds chez nous. C'est dommage. Il n'y aura jamais. C'est dommage, oui. Mais voilà, quelques artistes. Même quand tu vois que les Eagles... ne passent pas par la France. Ne viennent pas en France, alors que c'est un groupe absolument fabuleux, exceptionnel, qui remplit des salles dans le monde entier, qui ne viennent pas en France parce que le dernier Bercy n'a pas été plein, je crois. C'est l'excuse invoquée par Delaney. Je trouve ça vraiment dommage. Ah, c'est ce qu'ils ont sorti. Moi, j'ai entendu parler que c'était une question de production, qui était, c'était des gros coûts. Et donc, ils n'avaient pas les moyens pour les financer, ces spectacles-là, en France. Non, non. En principe, quand on fait une tournée internationale... France, on accueille tous les groupes, bien sûr. Des productions très lourdes, donc c'est pas un problème c'est pas un problème financier. Aujourd'hui, tu as la salle... Tu as l'U-Arena, par exemple, à Nanterre, qui peut accueillir 40 000 personnes. Les Stones, quand ils l'ont fait, ils en ont fait 3 tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je pense que le problème, c'est que la précédente tournée, enfin, ça remonte à loin maintenant, des Eagles... Ils n'avaient pas forcément choisi de bon partenaire radio. La promo n'a pas été bien faite. Et que peut-être, au lieu de faire 15 000 personnes, il y en a eu 12 000. Mais même, quand bien même, c'est vraiment dommage. Ils passent en Belgique, là. Ils vont passer en Belgique, mais pas par la France. Ouais, il faut faire comme ce que j'ai fait la première fois que j'ai vu les Rolling Stones, parce qu'ils étaient interdits en France. Donc je suis allé les voir en Belgique, à Bruxelles, grâce à RTL, qui avait organisé un voyage. Et donc, il faut organiser un voyage pour aller voir les Eagles en Belgique. C'est ça. On va organiser ça. De Bordeaux, c'est un peu compliqué. Quoique maintenant, un TGV en 2 heures pour Paris, Bruxelles, ça doit être à 3 heures, donc c'est pas si loin que ça. Très bien. Mais on va commencer cette émission, non pas par du Johnny Hallyday, mais nous allons rendre hommage, avant de parler donc par la suite de Johnny, on va rendre hommage à Dick Rivers qui nous a quittés cette nuit. Ce matin, une triste nouvelle. Dick Rivers, à 74 ans, le même âge que Johnny, est décédé de la même saloperie. Le 24 avril, le jour de son anniversaire, ce qui est quand même incroyable. Et je pense qu'il mérite qu'on lui rende hommage, parce que c'était quelqu'un qui avait du talent. J'ai eu le plaisir de le voir en 95. En 95, il a sorti un album Plein Soleil, qui est peut-être son meilleur album, et il se produit à Bobino pour une série de concerts. J'ai eu la chance de le voir. Je travaillais à l'époque dans un quotidien qui s'appelait Info Matin, et on était très proche du producteur Alain Lana, et on avait décidé de soutenir le disque et la tournée des Dick Rivers. Donc j'ai été le voir, et franchement, c'est un super souvenir. Il avait un groupe fantastique. Il avait à la batterie Henry Spinetti, qui est un des batteurs d'Eric Clapton. Il y avait Chris Pedding à la guitare. Mmh. Et puis il y avait des musiciens français, des grands musiciens français, Slim Batteux, j'ai plus tous les noms en tête, mais qui font partie de ce collectif que j'ai revu l'autre jour autour du blues. Il y a eu 3 réunions de ce collectif, et le deuxième autour du blues, qui est sorti en 2003, je crois, était enregistré dans le studio Ferber, un studio mythique avec tous ces musiciens exceptionnels, Patrick Verbeek, Claude Angel, Denis Labelle, enfin, et il y avait Cabrel, Goldman, tout ça. Mmh. Et Dick Rivers était venu aussi chanter avec eux des titres comme je crois That's Alright Mama, quelques standards du rock. Il chantait très très bien, il était superbement accompagné. Et donc ce concert de 95 à Bobino était absolument super. Mais Dick Rivers, il est toujours resté un peu à l'écart du système. Il a jamais changé de personnage, il est resté fidèle à sa musique. Peut-être que cela n'a pas aidé. Les médias n'étaient pas franchement derrière lui. Tout on ne le voyait pas beaucoup à la télé. Je crois qu'il n'a jamais été invité chez Dick Rivers. Chez Drucker, tu veux dire. Chez Dick Rivers, oui. Tu as raison de me corriger. chez Drucker. Et qu'il a toujours un peu regretté. Alors, sa personnalité faisait que ça collait pas? J'en sais rien, peut-être. Moi, je le connais pas. Je l'ai vu aussi pour ses, je crois que c'était ses 50 ans à Disney. J'étais avec ma fille aînée, on était allé le voir. C'était aussi un très bon concert. C'était cette belle époque. C'est Patrick Coutin qui avait produit le disque Plein Soleil. Patrick Coutin qui aimait regarder les filles. Exactement. Et le disque, j'ai réécouté cet après-midi, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. Et ça vaut le coup qu'on lui rende hommage. Avec, je sais pas ce que t'as choisi, mais c'est moi j'avais un truc que j'adore, c'est Faire un pont. Ah ben, on adore cette chanson. On l'adore celle-là aussi sur RG, on l'adore. Voilà. Et je crois que t'as choisi un medley. Là, je t'ai choisi un petit medley, un medley Dick Rivers qui était passé sur Taratata en 1996. Taratata, cette émission permettait à ces artistes de se produire en live avec des conditions exceptionnelles. Le son était nickel. Merci à Nagui qui a animé cette émission, parce qu'il y a eu de grands moments. Johnny en a fait deux. Oui. Le premier en 94, après l'album Breakdown, est un très grand moment de télévision. On l'écoute tout de suite. Hommage à Dick Rivers avec ce petit medley qui va durer un peu plus de 5 minutes. À tout à l'heure. C'est parti. Thank you. hommage à Dick Rivers ce soir sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Nous sommes sur RIG, l'émission Johnny de A à Z, et ce soir en invité, j'ai Jean-François Chenu avec moi, et on va parler un peu, premier sujet qu'on va parler, ce sera la réédition de l'album Johnny 67. Alors, l'album Johnny 67, en fait, il devait sortir en 2017. Et puis malheureusement, comme tout le monde le sait, le décès de Johnny a changé pas mal de choses, et donc sa sortie a été repoussée. Ça permet, ce Johnny 67, de relancer une collection qui est sur le marché depuis un moment, qui sont des livres disques, où on associe en général du live, du studio, voire de l'image, quand on a de l'image, ce qui est le cas avec Johnny 67, puisque dans le... Y a un grand coffret, oui. Un grand coffret où il y a l'émission Télé-Dimanche, oui. En entier, ce qui avait pas été le cas, je crois, jusqu'à présent. Alors c'est dommage que Télé-Dimanche, qui est une émission que j'adore, il y a une partie là de Télé-Dimanche où il chante en playback, ce qui est assez rare dans Télé-Dimanche. Il fait aussi des morceaux en live, en vrai live, donc ils sont très réussis. Mais c'est toujours un document, c'est un document, et c'est bien d'avoir ce genre de document. Et donc cette collection, elle est relancée et elle va perdurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres sorties dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc, moi, ce qui m'a frappé sur ce produit, quand je l'ai entre les mains, c'est d'une part la qualité du livret. Je trouve que les photos sont très réussies, que l'iconographie est très réussie. Et puis, évidemment, le contenu. Alors, bien sûr, il y a des gens qui préféreront toujours l'original, en tout cas sur les versions studio. Là, je trouve qu'un certain nombre de titres gagnent en clarté, en dynamique. Bon, après, c'est une question d'écoute. Alors, chacun aussi a son matériel pour écouter. Quand je vois certains commentaires, ça me fait marrer parce que il y en a qui ont des trucs hyper sophistiqués. C'est presque des ingénieurs du son en herbe. Et puis, il y en a d'autres qui écoutent tout ça sur leur ordinateur, avec des enceintes, voilà, de façon basique. Donc, chacun entend un peu ce qu'il veut entendre, hein. Mais j'ai été scotché par la qualité du Palais des Sports 67. Quand on se souvient de ce que c'était, d'où on vient avec ce live, là où on est arrivé, c'est juste absolument incroyable. Comme je t'avais dit, hein, donc j'ai réécouté moi le vinyle d'époque, inaudible. On aurait dit c'était un bootleg, c'est-à-dire en gros voilà, c'est un enregistrement, t'as mis un petit microphone au milieu de la foule et t'as enregistré le concert, alors, c'était ça. C'était inaudible, alors que là, j'ai garde un souvenir de la retransmission d'Europe 1, parce que c'était quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps aussi, Hubert Wayaf, qui avait retransmis en direct ce spectacle. Moi, je me souviens très bien l'avoir écouté dans ma chambre sur mon transistor. Bon, c'était pas du tout ça, c'était bien meilleur. Et donc là, je trouve qu'ils sont arrivés maintenant à un niveau de qualité, une dynamique sur ce concert qui est absolument incroyable, parce que Johnny fait tout dans ce concert. Alors c'est un palais des sports, c'est son premier palais des sports. Je parle pas du festival rock qui est oui, les années avant, mais son premier palais des sports avec une vraie mise en scène. Hein. Il y a un décor impressionnant, il y a une foule déchaînée. Enfin, il quitte l'Olympia. Hein. C'est un moment important. Il décide de quitter l'Olympia pour aller au palais des sports. La salle est deux fois plus grande, plus que deux fois plus grande d'ailleurs. Et donc c'est quelque sorte une répétition de ce qu'il va faire après. Tout à fait. Et en plus, après ce palais des sports, il ne voulait plus le quitter. Il a dit la prochaine fois, c'est là. C'est ce dôme, cette forme arrondie où ont lieu en fait des matchs de boxe à l'époque. Et donc il va investir cette salle et ça va être sa salle. Et sur ce concert, cet unique concert, on se souvient des photos qui étaient parues après son spectacle. On le voit complètement épuisé, allongé sur le siège arrière de sa voiture, totalement presque inerte, hein, tellement il s'est donné. Et c'est vrai que entre l'introduction où il va rentrer sur les coups et le Lucille absolument démoniaque qu'il fait à la fin du spectacle, très rock'n'roll, là, avec blouson de cuir, chaîne et tout, il va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il nous fait du rhythm and blues, il y a une très très belle version d'Aussi dur que du bois, il fait du blues, il y a le pénitencier et tout ça, mais il y a aussi son passage qui fait souvent l'objet de moqueries parce qu'il a chanté San Francisco et Fleur d'amour et d'amitié, une composition de Mickey Jones et Tommy Brown, donc qui fait au Palais des Sports où il distribue des fleurs au public. Tout à fait, c'est vraiment, il y a tout dans ce concert, mais quand tu le réécoutes aujourd'hui, lui, je trouve que vraiment c'est un plaisir, c'est un bonheur. L'orchestre est vachement bon. Mickey et Tommy dirigent les Blackbirds, hein. Et lui, il se donne à fond. La voix est top. Il se défonce. Et alors, moi, il y a un morceau que je trouve génial. J'espère que tu vas le passer. C'est toi qui as fait la programmation. C'est psychédélique. Psychédélique, quand t'écoutes ça, ça c'est, bah, c'est du Jimi Hendrix, quoi. C'est, les guitares sont totalement torturées et la version live, elle est incroyable. Bah, quoi. Tu veux l'écouter de suite? Ah, je veux bien, oui. Psychédélique, après on reparlera de Johnny Swanset avec un titre que tu as programmé aussi, J'écris à la nuit pour illustrer cet album Swanset. Voici tout de suite Psychédélique, Johnny Hallyday en live. Palais des Sports, 1967. Que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde meilleur. Tous les mots que tu me dis là sont bizarres. En torture, ne l'entends-tu pas? Mais tes guitares, j'entends et je vois des couleurs et des sons. J'entends, je vois des couleurs et des sons. Allongé comme une fumée et flotte dans la nuit. Et tes mensonges sont vérité. Je suis au paradis. Tes cheveux si noirs sont un fil lumineux. Ouais, c'est étrange. Et tes yeux cruels ont l'air doux et gentils comme ceux des anges. J'entends et je vois les couleurs et les sons. J'entends et je vois les couleurs. De couleurs, je vois, je crois, l'envers du ciel et des fleurs de douceur, de fumée, de brouillard enveloppé. J'entends des sons très rares et complatifs des sons torturés par mes doigts les guitares. J'entends et je vois des couleurs et des sons. J'entends et je vois des couleurs et des sons. We'll be right back. c'est quelque chose quand même. Ah, ça crache. On se croit dans l'ambiance. On se sent dans l'ambiance de ce Palais des Sports qui, pour les 7 ou 8 000 personnes qui y étaient, doit être un souvenir extraordinaire. Bah exactement, voilà. Et l'énergie tellement dense dans cet extrait, justement. Bah, tu comprends qu'à la fin, ils finissent totalement épuisés parce que là, on est sur la fin du spectacle et puis après, il y a ce fameux Lucille qui va durer à n'en plus finir et où il finit complètement cassé. Et comme on dit, il ne manque plus que les images. Déjà, on se sent imprégné, on se sent à l'intérieur de ce intégré dans ce spectacle. C'est une époque où les gens ne pouvaient pas imaginer la force qu'allait avoir l'image et les concerts n'ont pas été filmés. Ou on sait très bien que la pièce 37 n'est pas filmée. Là, il y a 20 minutes de ce concert qu'on a été récupéré dans un produit qui s'appelait Légende en 93. Aujourd'hui, la personne qui a filmé ça est décédée. Il y a plus aucune trace. Enfin, c'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est dommage. 69, alors 69, il a été filmé par contre par Guy Job. Ça, c'est bien. Pour les besoins du film 5.1, 5+1 avec les Rolling Stones et Park. Exactement. Mais revenons, on va revenir à 69 après. Oui, oui. Ouais. Mais on va rester d'abord sur Jolly 67. Hein. On va continuer à présenter un petit peu le produit. Bah écoute, le produit, il a bien marché puisque tous les stocks sont épuisés, tous les produits sont épuisés. Il reste juste quelques stocks du double LP vinyle de l'Olympia. Mais pour le reste, tout est parti. Donc, je crois qu'ils sont très contents. Oui, Universal est content, oui. Ils sont contents. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas des grosses quantités. Ça s'adresse à un public relativement restreint. Mais c'est la somme de tous ces formats, de tous ces produits qui fait qu'à l'arrivée, ça fait quand même une belle réussite commerciale. Et donc, ça permet d'enclencher la suite pour d'autres projets. Et donc, ce 67, on a une autre version de l'Olympia, une autre captation de l'Olympia. Et c'est ça qui fait l'intérêt. C'est qu'on peut comparer avec celle qui existe. Alors, celle qui existe, moi, c'est un souvenir très personnel, puisque c'est le premier 33 tours que je me suis acheté avec mes propres deniers. À une époque où je révisais, j'étais censé réviser mon PEPC, le premier examen qu'on passait à l'époque. C'est ça. Et moi, mes parents, j'étais l'aîné, donc mes parents attachaient beaucoup d'importance aux études. Et ma mère débarquait dans ma chambre en disant « Tu ferais mieux de réviser ton PEPC que d'écouter... » ce voyou, pardon, Johnny. Donc, mais j'ai un souvenir formidable de cet Olympia 67, de ce vinyle, de ce 33 tours vinyle. Et c'est sympa d'écouter une autre captation. Et quand tu écoutes cette captation, elle est différente. Et Johnny a une façon de dialoguer avec le public. On le sent hyper à l'aise, on le sent hyper content. Là, c'est pareil, il y a une espèce d'ambiance qu'on n'a pas retrouvée dans les années après. C'est autre chose. Déjà, il parlait beaucoup moins après dans les dernières années. Il parlait beaucoup moins, Johnny. Je ne sais plus ce qu'il raconte. Il dit tu seras privé de je ne sais pas quoi en s'adressant à une personne. Oui, quand du il public. Disait de se taire, à un moment, il disait de se taire pour chanter, quand il a chanté. Ouais. Mais, donc voilà, c'est très sympa d'avoir cette autre captation. Bien en plus, il y a de très bonnes versions, elles sont un peu différentes. Voilà, on a deux projets différents. Et puis, tu as les titres studio de l'époque qui vont même jusqu'au Chevalier du Ciel. Mm-hmm. Où il y a d'ailleurs, on pourra retrouver sur la boutique officielle de Johnny Hallyday. Il y a une boutique officielle de Johnny Hallyday sur un site internet. On peut trouver des produits uniquement sur cette boutique. Il va y avoir un picture vinyle dans un format un peu particulier des Chevaliers du Ciel. Je crois que ça sort le début mai. Je crois qu'il sera en vente le début mai. D'accord. Donc, mais les Chevaliers du Ciel, c'est pareil. Je me suis demandé au début, mais quel drôle d'idée d'aller mettre ce titre là-dessus. Et finalement, quand je l'ai réécouté, j'ai pris du plaisir. Ça m'a rappelé des souvenirs merveilleux parce que je regardais ça, ce feuilleton. Il y avait, à l'époque, tu avais un poste de télé, tu avais deux chaînes, donc tu n'avais pas le choix. Hein, donc tu regardais avec tes parents. L'ORTF. Voilà, tu regardais avec tes parents. Et je regardais Chevalier du Ciel, on adorait Tanguy la Verdure. Et Johnny qui chantait le générique. Et finalement, la chanson, je trouve qu'elle est très sympa à écouter. Même si c'est une couleur qui est très différente du reste de l'album. Hein. Tout à fait. Mais, alors, cet album, il y a un titre qui pour moi est un chef-d'œuvre, c'est J'écris à la nuit, que j'ai mis dans la programmation. Tout à fait. Une composition de Long Chris. Je veux dire, tout est dit. Tu peux réécouter cette chanson aujourd'hui. Il aurait pu la chanter. Tout le personnage de Johnny Hallyday dans cette chanson. Et puis il y a des covers de classiques de rhythm and blues qui sont pas du niveau des originaux, mais c'est intéressant, c'est ce que Johnny en fait sur scène. Parce que là, la chanson sur l'album, elle est bien, mais par contre, les versions qu'il en fait sur scène sont elles, tout à fait remarquables. Donc c'est un album couleur rhythm and blues. On est après la génération perdue, donc il a commencé à rentrer un peu dans ce style de musique. Avant d'arriver sur une année totalement atypique avec il passera vraiment de Tout Cassé à Bonnie and Clyde en passant par Mal ouais surtout cette période là San Francisco Johnny 67 Johnny 67 c'était un medley de tous les 45 tours qui étaient sortis oui en fait à l'époque de toute façon déjà c'est d'abord le 45 tours qui les super 45 tours le 4 titres hein, on appelle les IP, ça les extended players exactement qui sortent à un rythme d'ailleurs très soutenu hein, je crois que c'est tous les deux mois ou trois mois t'as un nouveau 45 tours alors tu vas acheter le nouveau 45 tours de Johnny qui généralement se classe numéro 1 au hit parade et c'est la somme de ces 45 tours qui fait un album finalement. Tout à fait, c'est pour ça qu'on retrouve donc un peu de tout sur mais enfin quand même là pour cet album 67 il va enregistrer enfin c'est Mickey Jones et Eddie Hallyday qui vont aux États-Unis enregistrer des bases orchestres. Donc il y a quand même une volonté d'avoir cette couleur musicale dans l'album. Même si à côté de ça, tu vas effectivement avoir des titres qui sont les 45 tours. Et par exemple, J'ai crié à la nuit, c'est un exemple typique, c'est sur le 45 tours Amour d'été qui est le succès de l'été en l'occurrence. Mais moi, la chanson que j'ai retenue, que j'ai toujours retenue, que j'adore écouter, c'est J'ai crié à la nuit. J'aime beaucoup celle-là. J'aime bien aussi. C'est mon imagination qui est bien aussi. Mais on va écouter J'ai crié à la nuit. On l'écoute tout de suite. J'ai crié à la nuit. Bien sûr. Vous écoutez RIG. Émission spéciale Johnny de A à Z avec Jean-François Chenu. Ils sont plus de 50 autour de moi. Je me sens comme perdu. Dans un désert, sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi, et quand j'ai besoin d'un peu d'amitié. Les visages se tournent et s'effacent. Lorsque je réclame un peu de gaieté, sous le sourire je sens de l'intérêt. Avec moi, réfléchis, voudrais-tu être le miroir où l'on pourrait voir nos visages se froisser un peu plus chaque soir. Que plus tard mon nom sera oublié, viendras-tu comme avant pour me parler? Désolé petite fille, je vivrai seul. Je préfère vivre vite et mourir jeune. J'ai crié la nuit, extrait de l'album Johnny 67. Écrit par Long Chris. Et écrit par Long Chris. Donc on va continuer à parler de cette collection, donc la collection livre-disque que tu me disais. Oui. Alors, donc après 1967, qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est un secret de Polichinelle, donc tout le monde sait qu'il y a un travail qui est fait. On est en 2019. Ce sont les 50 ans, c'est une année extraordinaire, ce sont les 50 ans de Que je t'aime. C'est l'anniversaire de l'album mythique Rivière ouvre ton lit et c'est l'anniversaire du Palais des Sports 69. Donc une année extraordinaire. Alors, il est évident que il y a un livre disque qui se prépare chez Universal, qui sortira dans la deuxième partie de l'année, sur cette année 69. Alors, comment travaillent les gens d'Universal sur ces projets-là? C'est ça pour bien comprendre comment les choses se passent. Exactement, tout à fait. La personne qui est en charge de ça, c'est Xavier Perrault. On a pu le faire sa connaissance l'autre jour, enfin il n'y a pas très longtemps, dans une émission de télévision, dans un journal télévisé. Tout à fait. Où on le voyait travailler. Et en fait, il demande à ce qu'on ressorte toutes les bandes qui existent. Et il écoute tout ce qui est disponible sur l'année en question. Alors, il y a des séances d'enregistrement avec parfois des titres qui sortiront plus tard. Lui, donc, il va écouter tout ce qui est disponible. Alors, il y a deux types de bandes. Oui, alors tu veux dire deux disponibles, parce que, en gros, Universal détient déjà à la base. Ah bah, là, on parle de ce qu'est chez Universal. Voilà, chez Universal. Chez Universal. Voilà. Donc, il écoute tout ce qui est sur les bandes qui sont chez Universal. Avec là, deux options. Soit tu as des multipistes. Quand tu as des multipistes, un, tu peux travailler. Tu peux changer les choses. Et deux, c'est sur des multipistes que tu peux trouver des choses totalement inédites, inconnues, qu'on n'a jamais entendues, des mises à plat, des versions dites alternatives, ça se trouve sur des multipistes. Ou alors, tu n'as pas de multipiste, ce qui est malheureusement par exemple le cas du Palais des Sports 69, où tu n'as pas de multipiste. Donc tu ne peux pas faire grand-chose, tu es obligé de travailler à partir du son que tu as, sauf à aller chercher ailleurs, en dehors de chez Universal, du matériel. Mais là, je parle ce dont dispose Universal. Lui, il va prendre tout ce qui existe chez Universal, il va tout écouter et il va commencer à travailler à partir de ça. C'est le travail qui est actuellement effectué pour préparer la sortie de ce prochain livre disque. Alors, on verra ce qui en sortira. C'est absolument pas de ma responsabilité et en aucun cas, c'est à moi de révéler des choses. Parce que d'abord, rien n'est finalisé. Et puis, tant que toutes les recherches n'ont pas abouti, le produit final, il n'est pas encore dans la boîte. Donc, ça, c'est le travail fait à partir du matériel Universal. Et puis, Universal a passé des accords qui ont pris du temps. Il faut bien comprendre que souvent, il y a des grosses sommes d'argent en jeu. Par exemple, pour récupérer des images qui appartiennent à l'INA, l'INA vend très cher ces images. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les images. On dispose de l'INA parce que ça coûte beaucoup d'argent. Du genre, donc, si on veut revoir le Showsmith, par exemple, le DVD, ça serait difficile. Non, c'est pas difficile, c'est pas possible. C'est une question d'argent. Voilà. D'argent. Donc, le télédimanche qui est sorti avec 67, ça a coûté une certaine somme d'argent, parce que l'INA ne fait pas cadeau de ces choses-là. Bon. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Ensuite, il y a des accords qui sont passés, et entre autres avec Europe 1, et qui font que Universal va sans doute pouvoir récupérer, en tout cas, si Europe 1, parce que aller voir dans des radios comme ça les archives, vous ne serez pas déçus. Hein. Donc moi, j'ai eu la chance de voir celle d'RTL. Oui. Donc Europe 1, c'est pareil. Donc il faut, c'est pas parce que ça a été diffusé qu'on peut retrouver ça comme ça en claquant des doigts. Donc il y a des demandes qui sont faites auprès d'Europe 1 pour retrouver des émissions, des retransmissions à chaque fois qu'il y a une année sur laquelle Universal travaille. Et puis voilà, après on attend de voir ce que Europe 1 peut proposer. Là encore, négociation. Contrat, argent, tout ça fait partie d'un processus. Et puis une fois que vous avez tout ce matériel-là, eh ben vous construisez votre produit. Voilà. Donc c'est ce travail qui actuellement est fait, qui aboutira, ça c'est sûr, parce que de toute façon au départ la matière c'est l'album Rivière ouvre ton lit. Ensuite c'est le Palais des Sports 69 qui existe déjà, qui a été amélioré, qui est pas exceptionnel mais qui existe. Et puis et qui n'est pas en version intégrale. En plus, alors, qui n'est pas en version intégrale. Là-dessus, je peux te raconter quelque chose, puisqu'en 2003, quand Jean-Yves Billet a voulu, j'ai participé à l'intégrale live qui est sortie chez Universal, il a essayé de récupérer les trois titres. Elle avait Complu de Charlie, Entre mes mains et Jeune homme. Voilà, qui n'était pas sorti. Et il y avait aussi. Il y avait un medley. Non, mais le medley, il n'était pas tous les soirs. Non, pas tous. Enfin, j'ai vu dans d'autres. Donc, il n'était pas tous les soirs. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Tu parles de Pan Barcarès, c'est un concert dont tout le monde parle, qui est mythique. il est chez Europe 1. Oui, et c'est ça. Ils le retrouveront peut-être, j'en sais rien. Mais il n'est pas chez Universal. Donc, Donc, quand à un moment, la négociation a fait que Jean-Yves a pensé pouvoir récupérer les trois titres et ça a chopé pour des raisons X ou Y, peu importe. Donc, il n'a pas pu les sortir. Donc, c'est très bien que ces trois titres existent. Ils ne sont pas chez Universal. S'ils sortent, c'est parce que ils ont pu les récupérer auprès d'Europe 1. Mais encore une fois, il faut qu'Europe 1 fournisse la matière. Voilà. Donc, tout ce travail est en cours. Et c'est pareil pour Que je t'aime, puisque c'est quand même une chanson qui a compté dans la carrière de Johnny. Il y a eu des enregistrements pour des émissions de télé. Il a fait des radios avec. Le premier enregistrement radio de Johnny voilà, aussi. Voilà, donc studio. Je sais que Xavier s'est rapproché des équipes qui avaient enregistré le titre Que je t'aime. Donc on verra ce qui pourra en ressortir. Je pense qu'on aura un formidable produit. Formidable projet. Peut-être que en parcourant et en épluchant toutes les multis, parce que c'est ce qu'il fait, eh ben, il va trouver peut-être une version alternative, d'une chanson ou autre, on verra bien. En tout cas, il fait le travail. Il cherche. Son objectif, c'est vraiment de proposer à chaque fois tout ce qu'il peut proposer, à la fois de qualité, d'inédit s'il y a des inédits. Alors, faut pas s'attendre à trouver 50 000 inédits de Johnny. On sait très bien que entre ce qui est sorti sur la guitare, ce qui est sorti sur History, ce qui est sorti depuis, un miracle, par exemple, quand il a ressorti Hollywood, il a trouvé un inédit dont on n'avait jamais entendu parler. Tout à fait. Bon, et ben peut-être que comme ça, par-ci par-là, on trouvera un inédit. Mais c'est pas si inédit il y a, c'est beaucoup plus dans des concerts qu'on n'a jamais entendus, qui sont jamais sortis. Où là, effectivement, on parlera un peu plus tard de ce qui va sortir le moment de son anniversaire, le 15 juin. Mais au départ, il y avait un projet d'un véritable inédit, un concert inédit. Ce projet verra le jour, mais il se trouve qu'il est juridiquement compliqué à monter. D'accord. Donc pour tant que il est verrouillé pas, pour l'instant. Non, et c'est pas qu'il est verrouillé. Il faut du temps. Parce que quand tu sors un concert inédit, il y a des musiciens qui ont joué, il peut y avoir des duos, et donc tu ne peux pas le sortir comme ça sans avoir l'accord de tous ces gens-là. Ils n'ont pas signé un contrat à l'époque pour que ça sorte. Donc tu es obligé de passer par des agents, par des intermédiaires, donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Tout, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça prend du temps, mais vraiment l'objectif de Xavier, c'est de proposer au public de Johnny, à ses fans, vraiment des choses de qualité, inédites quand elles peuvent l'être, qui seront des découvertes. Enfin, il y a des tas de choses maintenant aujourd'hui qui sont possibles parce que beaucoup d'accords ont été passés après de longues négociations. Vraiment, les gens aient bien conscience de ça. C'est pas gratuit tout ça. Et maintenant, il y a une base qui est vraiment solide et qui va permettre cette année, l'année prochaine, dans les années qui viennent, de nourrir régulièrement le catalogue de Johnny avec des jolies choses, des choses nouvelles quoi qui vont surprendre. Tout à fait, comme je disais, comme je t'avais dit aussi, comme je dis peut-être à d'autres personnes, je dis on a quand même de la chance qu'il y ait une maison de disques comme Universal qui nous entretiennent régulièrement de projets d'une AED. On est de la chance comparé à d'autres artistes qui sont défunts depuis, qui n'ont pas eu cette chance. C'est vrai. Bachung, il a fallu attendre 10 ans pour qu'ils sortent un nouvel album. Je me souviens, je comprends pas très bien, Gilbert Bécaud, qui a une carrière extraordinaire, qui a des chansons magnifiques. J'ai l'impression que depuis sa mort, il est complètement oublié, qu'il n'y a jamais rien qui sort. Peut-être que je me trompe, je suis pas un fan de Bécaud, mais j'ai l'impression qu'il a disparu. Johnny, ce sera pas le cas. Johnny, ça tourne, ça continuera à tourner, et tout sera fait. Ça a été dit, de toute façon, c'est pas un secret, ça a été dit par des patrons d'Universal, ça a été dit par son manager. Il y a une matière qui existe. Donc, il est certain que chez Universal, il y a plus de matière que chez Warner, puisqu'il est resté plus longtemps chez Universal que chez Warner. C'est mathématique, logique. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Xavier Perrault, qui gère le back catalogue, qui gère Johnny Hallyday, et qui travaille vraiment avec le souci de proposer des choses qui seront nouvelles, inédites, qu'on n'a pas entendues, qui seront de qualité, et qui va aussi retravailler tout le matériel existant pour essayer de l'optimiser, de l'améliorer, de faire vivre en fait ce catalogue extraordinaire qui est le catalogue de Johnny Hallyday. Tout à fait. Et on avait parlé il y a un petit temps d'un mixage de Glyn Johns. Alors, attends. Non. En version alternative. Alors... Ça, c'est aussi quelque chose qui alors, ça, c'est une légende urbaine. Non. Moi, ce qui semble avoir été le cas à l'époque, c'est que Glyn Johns, ça fait, c'est lui qui est l'ingénieur du son de l'album River Tolly. Il fait un premier mixage. Je sais pas si la voix de Johnny est mixée, je sais pas. Oui, d'accord. Il fait un premier mixage. Je crois que ce mixage, il est encore plus, destroy que le mixage final. Et qu'il a été un petit peu, adouci, si on peut employer ce mot-là, pour la sortie de l'album, par d'autres ingénieurs du son. Il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, Jean-Yves Billet a croisé dans les couloirs d'Universal Glyn Johns. Et ils ont parlé de ça et Glyn Johns se souvenait très très bien. Il était prêt à l'époque, je crois, à essayer de refaire quelque chose, mais il fallait tout refaire. Quoi. Tout donc, à fait, d'accord. Bon, c'était pas possible. Mais est-ce que non, je crois pas qu'il existe un autre mixage de l'album intégral. Peut-être une chanson. C'est possible qu'il y ait une chanson ou deux qui soit qu'on appellerait une prise alternative, bien tout sûr, simplement. Tout à fait, voilà. Bon. Je ne sais pas du tout. À suivre, on verra ça. Voilà, à suivre. Tiens, pour illustrer donc l'album Rivière haute en lit, voici un titre que tu avais sélectionné, c'était « Je n'ai besoin de personne ». Oui. On écoute ça tout de suite. La version originale, ça. Quand je réécoute, je me dis, qu'est-ce que je chantais mal? Comment ça a pu marcher? J'ai appris à chanter depuis. Là, ça doit faire, je pense, ma 181e ou 182e tournée. On finit par apprendre à chanter sur scène. Baby, a whole lot of shaking going on. Let's shake. the ball, he's bum, what bum, high ball. Come on over, baby, really got to pull by the horn. Well, we ain't thinking, whole lot of chicken going on. Easy now, I say check, check it, baby. You can check it one time with me. Oh, yeah. Oh, no, no, no, I say come on over, baby, whole lot of chicken going on. Don't want to reload now. Shake, baby, shake. You got a deal, honey? It's kind of standing in one spot and wiggling down just a little bit. That's when you got something, baby. All a lot of shaking going on. Just one more time. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Woo! Shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Come on over, baby. Vous écoutez Érigé, la radio de Junaïdé, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et là, ce soir, je suis avec Jean-François Chenu pour une émission spéciale. Spéciale universelle, du spécial Junaïdé. On va presque tout savoir ce qui va se passer pour la fin, la seconde partie de l'année 2019. N'est-ce pas, Jean-François? Non, d'abord, on va parler de la. Non, on va pas aller dans la deuxième partie. Et pourquoi on a eu cette chanson-là? Oui, on a fait un grand écart, là, parce qu'on est revenu en arrière, on est en 1962. Alors, en fait, le planning des sorties tel qu'il est élaboré en début d'année, il y a une date qui est importante, c'est le 15 juin, qui est la date de l'anniversaire de Johnny. Et donc, autour du 15 juin, en l'occurrence, là, ça sera le 7 juin, il y a un produit qui va sortir. Ouais. C'est pas le produit qui avait été prévu initialement, pour des raisons que je t'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que ce qui a été prévu initialement nécessite du temps pour aboutir à des accords avec différentes personnes. Et avoir un bel objet en même temps aussi. Oui, mais c'est voilà, bon, mais ça peut s'anticiper. Là, en l'occurrence, donc, c'est un coffret qui va sortir. Le 7 juin, c'est un coffret de 20 paper sleeves qui sont tous les albums de Johnny Hallyday commercialisés à l'étranger. Et donc, celui-ci fait partie de. Ce titre est extrait d'un album qui a été commercialisé à l'étranger. Donc, c'est des albums qui sont sortis en Argentine, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Canada aussi. Donc, voilà. Tous les 33 tours que Johnny Hallyday, de Johnny qui ont été commercialisés, alors qu'ils ne sont pas les mêmes montages du tout que ceux qu'on a nous. Donc, il y en a 20 qui vont sortir donc, dans un coffret. En format paper sleeve, le 7 juin. Très bien. Ouais, je vois que tu as le visuel. J'ai le visuel, en fait. Voilà, le visuel. Je vais le prendre en photo, je le mettrai sur le site. Le très visuel bien. Du coffret. On le montre à la caméra. Je sais pas si. Qu'il n'y a pas. Il y a pas de caméra, tu vois, voilà le packaging. C'est Johnny Hallyday International. En fait, le produit s'appelle Johnny Hallyday International. Je vais photographier ça, je vais le mettre sur le site. Comme ça, vous le saurez. Vous allez voir tout ça en avant-première, parce que pour l'instant, je ne l'ai jamais vu vivement. Tu le sais depuis quand? Qui c'est à moi? Ça, oui. ça fait quelques temps, mais on est là, entre savoir et voir, il y a une différence. Ah, c'est ça. Donc, j'avais pas vu le packaging et j'ai demandé qu'on me l'envoie spécialement pour toi, pour ton émission. Voilà. Et je l'ai reçu cet après-midi. Voilà, c'est sorti de mon imprimante, tu vois. Ça, je prends en direct les photos. Voilà. C'est ça qui est merveilleux en la radio, c'est un média fantastique. C'est vraiment du direct, c'est vraiment du live. Il n'y a rien à préparer. Ça y est, je suis là. Voilà. Je vous envoie ça. Donc, pour le 7 juin, on aura cette collection album étranger de Johnny Hallyday. Voilà. Donc, ça sera pour la première partie de l'année. Et puis, fin d'année, enfin, deuxième partie de l'année, il y a au moins trois gros projets qui sont dans les tuyaux, y compris donc la suite de la collection livre-disque avec l'année 69. Donc là, pour l'instant, tu ne peux rien dire là-dessus. Tu peux rien dire. Donc, peut-être un live inédit. Tu sais, il n'y a rien de pire que d'annoncer des choses qui ne se font pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on passe vrai. Vraiment pour des crétins. Donc, voilà, tant que les choses ne sont pas bouclées, ne sont pas officiellement dans les tuyaux, c'est normal. Vaut mieux être prudent. Tiens, qu'est-ce que tu veux écouter maintenant? Dis-moi. Allez, après Boulalota Shaking Going Home, j'ai envie qu'on enchaîne avec toujours un peu de rock'n'roll. Ça nous met en forme. Il y a un titre. Qui n'est pas très connu, mais que j'adore, qui est ma Mississippi Queen, sur l'album Rock à Memphis en 75, si tu l'as. Oui, je l'ai, faut que je la retrouve en direct. Cet album, quand il est sorti, outre le fait qu'évidemment je l'ai adoré, ça fait partie de mes albums préférés, mais à l'époque, j'étais à la fac, et j'avais des cours l'après-midi, le matin, comme j'avais besoin de travailler mon anglais, je suivais des cours d'anglais, et tous les matins en me levant, je me rappelle, tous les matins en me levant, j'écoutais une phase de cet album pour avoir la pêche, et je racontais ça à un prof d'anglais qui ne comprenait pas que j'écoute tous les matins le même disque, mais ce disque me donnait une pêche terrible, et c'est toujours pareil d'ailleurs quand je l'écoute. Ah, c'est super, hein. Il dure moins de 30 minutes cet album-là, et puis on peut l'écouter... C'est 13 titres, je crois, en plus, c'est pas mal. Tu peux l'écouter en boucle. Ah bah oui, et puis même Mississippi Queen, qui n'est pas le titre le plus connu, parce que c'est pas un standard du rock'n'roll, mais je trouve cette chanson très courte d'ailleurs. 2015. Et je l'adore également. On écoute ça de suite. Ma Mississippi Queen, pas facile à dire, hein. Bien, hein. Ça dégage. J'espère que tout va bien chez vous, ouais, que vous dansez également. Bah oui. Tout en buvant les paroles de Jean-François en même temps sur l'actualité sur John Hallyday qui va couvrir l'année 2019. Il y a une nouvelle collection aussi vinyle qui est sortie chez Hachette. Alors elle est pas sortie, elle est en test. Oui. C'est un projet, mais effectivement, il y a actuellement dans trois villes de France, trois villes moyennes. Quatre volumes qui sortent à raison d'un tous les 15 jours, qui sont donc testés. Et selon le résultat, Hachette décidera ou pas de sortir la collection. A priori, c'est bien parti, puisque le premier est épuisé. Le premier, c'était Gang. Oui. Le deuxième vient de sortir, c'est Derrière l'amour. Après, il y aura Rock'n'Roll Attitude. Et après, il y aura La Génération perdue. Pour ceux qui connaissent, il y a eu le même principe pour les Beatles. Mmh. Les albums des Beatles sont sortis en vinyle. Alors, c'est dans le réseau des kiosques. Tout à fait. Hein, c'est pas chez les disquaires. Et il est prévu, cette collection est prévue pour au moins 50 exemplaires. Donc, avec à chaque fois un livret et l'album vinyle. Et donc, je sais qu'il y a. Alors, je consomme pas trop de vinyle. De vinyle, oui. Mais je crois qu'il y a des albums de Johnny qui sont pas sorti en vinyle, que certains fans attendent. Tu me parlais de Destination Vegas, n'existe pas. Voilà. Mais après, il y a des produits rares, comme du moins ou peu courants, comme ce que je sais. Comme Si la collection voit le jour, c'est tous les albums sortiront en vinyle. Rough Town, par exemple, aussi, voilà. qui sortira également. Ils sortiront tous en vinyle. Donc j'ai la chance de travailler sur cette collection avec les gens d'Hachette. Tu écris les textes. Oui, j'écris une partie des textes avec. C'est intéressant parce que au début, les gens d'Hachette se sont adressés à Universal et Universal logiquement les a envoyés vers ceux qui avaient fait la collection CD, oui. Hein, les 50 plus 25. Et puis pour des tas de raisons de disponibilité, à un moment, je me suis retrouvé tout seul. Pour fallait sortir ces quatre volumes. Oui, parce que j'ai un billet, c'est retiré également. Oui, mais enfin bon, il aurait pu contribuer, mais il n'y a pas le temps, il était occupé à autre chose. Jean-François Brieux était très occupé par ailleurs, donc ils n'étaient pas disponibles. Et donc, je m'étais dit, bon, quatre numéros en test, ça se fait, mais je me voyais pas devoir faire les 50. Je pense que j'aurais pas eu le temps. Et il se trouve que à l'époque où je m'occupais du, j'étais le modérateur du Forum Universal. Mm-hmm. J'ai rencontré, j'ai sympathisé avec un certain nombre de fans de Johnny, et notamment une personne qui est un palois, qui voulait être journaliste sportif et qui, comme moi, partageait la passion du foot anglais. Donc, on discutait beaucoup de foot anglais, de Johnny aussi, mais de foot anglais. Et ce garçon qui s'appelle Thibaut Geffrotin, je l'ai intégré dans l'équipe d'enseignants qu'on a à Paris pour former au management du sport. C'est aujourd'hui un journaliste sportif reconnu. Il est sur les grandes chaînes de télévision. Mmh, tout à fait, oui. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et alors, il est beaucoup plus jeune que moi. Il a pas 30 ans. Là, c'est ça. Donc, c'est assez fascinant de rencontrer des gens de moins de 30 ans qui sont aussi fans de Johnny qu'on peut l'être. Mais nous, on l'a accompagné pendant de nombreuses années. Lui, c'est beaucoup plus récent. Plus à la fin de la carrière. Plus récent. Et il l'a vu dans beaucoup d'endroits. Et j'étais dans le bureau avec lui à Paris. Et je lui dis, c'est dommage, toi, tu parles dans le micro, mais t'écris pas. Et il me dit, mais si, j'écris, je fais des chroniques dans Le Point très régulièrement. Donc, pourquoi? Je lui dis, ça t'intéresserait d'écrire sur Johnny Hallyday? Et là, j'ai vu ses yeux, évidemment, s'illuminer. Je crois que je ne pouvais pas lui faire un plus beau cadeau, une plus belle proposition. Il m'a dit, bah oui, j'adorerais faire ça. Et j'ai dit, bah écoute, ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses une collection avec moi. Et je trouve ça très intéressant parce que d'avoir le regard de quelqu'un qui a 20, pas 30 ans, sur Johnny Hallyday, ça sera un regard différent de les gens qui ont l'habitude d'écrire sur Johnny. Et donc, si Hachette et si Universal s'ils sont d'accord, je pense qu'on peut faire cette collection ensemble. Et donc, l'affaire s'est réglée très très vite. Et donc, c'est Thibaut qui écrit, en fait, le texte de base sur l'album. Et moi, je fais tout ce qu'il y a autour. Et puis bon, je jette un œil évidemment à tout ce qui est fait, et toujours avec ce souci de faire un produit rigoureux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur, pas d'erreur dans les photos, que tout ce qui est écrit soit des choses validées, vérifiées. Donc on travaille avec Thibaut sur cette collection. Et Jean Dachette a une équipe très sympathique, une jeune fille qui s'appelle Adeline, prénom, qui nous ramène à Johnny, qui est la directrice artistique du projet. Et donc 4 numéros en test. On espère que ça va marcher, et si ça marche, lancement à l'été prochain. D'accord. Avec un vinyle tous les 15 jours, en kiosque, exactement le même principe que la collection CD qui date maintenant de quelques années. Ah ouais. Et donc Thibaut, lui, découvre des choses en même temps, là, il en découvre, parce que comment parler d'un album, s'il doit parler du fond de l'album, Comment il travaille? Il travaille beaucoup, il cherche beaucoup d'informations, et alors il me soumet son texte avant, donc ce qui permet d'ajuster parfois certaines choses, mais il fait un vrai travail de recherche pour essayer de tout savoir, de connaître un maximum de choses sur l'album dont on va parler. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est 4 albums assez faciles, parce que Regardant l'attitude, Gang, Derrière l'amour et La génération perdue, ce sont toujours ceux-là qui sont, parce que c'est les albums références pour le grand public. Tout à fait, exactement. Attention, pour le grand public qui aime Johnny. Et donc, on trouve beaucoup de matière. Après, le jour où il faudra faire à partir de maintenant, ça sera plus compliqué. C'est difficile à trouver, sur partir de maintenant. Il y a quelques albums en pièces détachées à partir de maintenant, pas facile. Ça va pas être... On va dire l'après Sylvie, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est marrant, de toute façon, c'est marrant à faire. Et puis, on trouvera. Il y a toujours des télés, il y a toujours des radios, il y a toujours des trucs. Tout à fait. Donc, il y a de la matière, on en trouvera toujours. Mais lui, ça va lui demander effectivement un effort important, parce qu'il connaît pas forcément aussi bien que nous, tous ces albums-là. Mmh. Mais il a une bonne plume, c'est quelqu'un de brillant, intelligent, et il va apporter, je pense, une vraie couleur un peu nouvelle à cette collection. Et puis, il faut qu'il y ait... Le renouvellement des générations. Le renouvellement des générations en même temps, Mais c'est un vrai fan, il est déjà allé, je sais pas combien de fois, à Saint-Barth. Ah oui, déjà, oui, d'accord. Mais bon, là, par exemple, il couvre les voiles de Saint-Barth pour son métier de journaliste sportif. Ouais, donc il joue un utile à l'agréable. Tiens, on va illustrer un peu le deuxième numéro qui est paru en test dans la collection Hachette. C'est l'album Derrière l'amour. Et en extrait, tu as choisi Le Ghetto. Oui, alors c'est pas un titre qu'on écoute très souvent. C'est une composition de Jacques Revaux avec un texte de Ralph Vernet, je crois. Et c'est une thématique que j'aime bien, parce que c'est un univers dans lequel Johnny a toujours excellé. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z, ce soir avec Jean-François Chenu. est un ghetto. La suite de l'émission Johnny de A à Z. Est-ce que tu voudrais parler, répondre à une petite question? Parce que bah, j'ai demandé à l'auditeur poser des questions. J'ai demandé à des auditeurs de poser quelques questions. Vas-y. Et puis j'ai dit, tiens, parmi toutes celles qu'on va me poser, j'en ai répondu à quelques-unes, évidemment. Je connaissais très bien la réponse parce que tu m'avais donné. Donc, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et il y a aussi d'autres personnes qui voudraient avoir, des fois aussi, c'est des questions pour voir un peu où en est le projet. Voilà. Et donc, je vais te poser les questions les plus pertinentes qu'on peut avoir. Donc, j'ai une question de Petit Jo, hein, Petit Jo, qui dit « J'aimerais savoir si on aura la chance d'avoir Rivière Ouvre ton lit en livre-disque pour la fin d'année. » Ça, on a répondu à cette question-là. Il y a de bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Si des sorties du genre 35e anniversaire au 40e anniversaire du Zénith 84 du Pavillon de Paris sont prévues pour 2019? Alors, pour 2019, non. Ça, c'est très, très clairement non. Il y a, si tu veux, je crois que chaque année, une entreprise prépare un programme. Et donc, il y a 4-5 temps forts qui sont programmés chaque année autour de l'actualité de Johnny Hallyday. Et donc, il y a des thèmes qui sont choisis pour ces temps forts. Tu ne peux pas tout faire. Ça ne veut pas dire que ça ne sortira pas. Non, c'est bien pas sûr. La réponse que je fais. C'est pas prévu pour 2000. Ça risque de pas tomber sur l'année pile, quoi. Voilà, c'est un pas, 35, un, non, 40, un 45, voilà, ça peut. Cette année, il y a trois gros projets qui sont encore en gestation pour d'ici la fin de l'année, qui sont pas ce que évoque ton auditeur. Mais le Zénith 84, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. C'est une discussion que j'ai eue avec Xavier. Quand tu avais parlé avec Xavier. On a parlé avec Xavier, oui. Bien sûr. Donc, le moment venu, quand il pourra, quand ça sera dans le planning des choses, c'est certainement un spectacle sur lequel il va. Je sais qu'il va rencontrer là prochainement Guy Job. Il est plutôt jeune, Guy Job. Hein. Guy Job qui avait filmé le Zénith 84, justement. Mais il a filmé aussi le Palais des Sports 69. Exactement. Donc, si tu veux, il a balayé plusieurs. Il a beaucoup filmé Johnny. Oui, en 76 également. Voilà, donc, 82. Donc, il y a une rencontre qui est prévue. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. Mais toi, ça fait partie du souci qu'a Xavier d'aller chercher vraiment un maximum de choses auprès des gens qui ont fait. Et Guy Job a fait. Tout à fait. Guy oui. Job a fait. Alors, c'est 69. Alors, je sais pas si c'est la salle, le matériel et tout, mais moi, quand j'ai été voir 5 plus 1, j'ai été très déçu. J'ai pas du tout revu, retrouvé le concert que j'avais vu. À la fois le son et l'image, j'ai pas été emballé. Même c'était pareil pour les Rolling Stones, hein, à Hyde Park. Donc, lui a sûrement des explications à tout ça. Et est-ce qu'il se souvient? Est-ce qu'il a du matériel? On n'en sait rien. En tout cas, je sais qu'un rendez-vous est prévu là prochainement et qu'il en sortira peut-être quelque chose. Donc, Zénith 84, c'est effectivement un vrai dossier. Ça, c'est, on peut le dire. On peut le dire. L'autre, c'était quoi l'autre spectacle? Après, c'est des questions du genre Pavillon de Paris 79. Ah, Pavillon de Paris 79. Mais Pavillon de Paris 79, faut pas oublier quand même qu'il est sorti en DVD avec Hollywood dans le livre disque. Tout à fait. Donc, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. Là, en version intégrale. En version intégrale, donc, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Sortir une version, une autre captation d'un autre soir avec d'autres versions. Déjà, dans l'intégrale live 2003, écoutez-la bien et comparez avec l'original. Tout à fait. Hein, c'est pas tout pareil. Ah, tout à fait. Ouais, bon. Tout à fait. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a des différentes versions, parce qu'il y a différentes versions de DVD qui sont sorties du Pavillon de Paris P 2019. Il y a une version d'escro. Il y a au moins trois captations. Non, il y en a qu'une qui fait office, qui est officielle pour Universal. C'est celle qui est sortie avec l'album Hollywood. Le reste, on n'en parle pas. On peut en parler. Voilà, donc c'est pas du officiel, ça. Non, tout ce qu'on a à côté, c'est pas du officiel. Non, puis je me souviens quand c'était sorti, cette version, elle était tronquée, elle était pas complète, les titres étaient pas montés dans le bon ordre, enfin c'était une vraie escroquerie. Hein. Mais par qualité son, elles étaient plutôt bonnes. Ouais, je sais pas tout à fait ton avis. Mais bon. T'es pas de... j'ai réécouté, il y a des questions, il y a différentes versions. Moi je trouve que autant la première version sortie n'était pas terrible, autant celle qui est sortie en 2003. Alors, moi, je te parlais en DVD, hein, c'est pour ça. Mais là, en 2003, c'est étonnant. Hein, on ne va pas la programmer ce soir. Parce qu'elle, elle dure qu'est-ce que tu croyais, Dieu, ouais, dure, 13 minutes. 13 ouais. ou 14 minutes, mais quel pied quand tu écoutes ça. On l'a déjà diffusée, celle-là. Ouais, dans sa version intégrale. Elle est passée une fois intégrale. D'accord. Oui. Après, on parle aussi de livre-disque. Est-ce que bon, après un livre-disque, c'est vraiment une belle collection. Tout à fait. Ouais. Rock Memphis ou la Terre Promise pour 2020. Est-ce que ce serait dans les tuyaux? Je ne sais pas du tout quels sont les albums qui sont prévus en livre-disque. Mais la collection a redémarré. Elle a été interrompue pour les raisons qu'on connaît. Elle va continuer. Et donc, en moyenne, c'est quoi? C'est deux, trois produits par an. Donc, ceux qui seront la suite, je ne la connais pas. Tout à fait. Mais pourquoi pas? C'est des disques-là, comme d'autres. Hein. Peut-être qu'un jour, on va s'intéresser à l'album C'est la vie. On n'en parle jamais, de cet album. Mais c'était un grand succès commercial. Y a un titre qui a marqué quand même la carrière de Johnny. J'ai oublié de vivre. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous passes le titre éponyme que j'ai mis dans ma sélection. Justement. Qui est C'est la vie. Justement, il est prêt. Voilà. Il est prêt. Bon, on écoute ça tout de suite. Justement, pour illustrer un petit peu ça. C'était une adaptation d'un titre de Emerson. Emerson, Lake et Palmer. Enfin, Palmer, ouais. Greg Lake, je crois, du groupe Emerson, Lake et Palmer. Mais c'est le premier titre qu'on a entendu de cet album. C'est celui qui est sorti en single, qui n'a pas été un succès. Mais je trouve que ça fait partie des bons titres de cet album. Il n'y a pas que des bons titres, mais celui-là, j'aime bien. Mais voilà comment on dérive sur l'album C'est la vie. Tant pis, c'est la vie sur RIG. C'est la vie, avec ses joies, ses folies. Je la prends comme elle vient, j'ai compris, c'est la vie. Tu t'en vas, surtout n'aie aucun remords, que j'ai eu raison ou tort, oublie, c'est la vie. Chaque nuit, je jouerai la comédie de l'amour à l'infini comme un défi. Et des gens, tu connais la perfidie, ils me condamneront sans pitié, je sais, c'est la vie. Oh, oh, c'est la vie. Oh, oh, c'est la vie. Tu pars, adieu, tant pis. C'est la vie. Ah non, pas encore, on la verra après. Où tu veux maintenant? Tu veux de suite? C'est toi qui l'as lancé. Allez, on enchaîne, c'est parti. Allez, plaisir, cadeau. Vous écoutez RIG, la radio du Nouvelle Mercredi soir. Voici Rendez-moi le soleil, extrait de l'album Vie 1970. Je veux voir le ciel. Et nous revoilà, enfin, il n'y aura pas de coupure musicale. Mais, non, mais c'était sympa d'écouter ce titre de l'album Vie, qui est un album qui ressortira aussi un jour sûrement en livre-disque. Un album qui est pas si connu que ça, hein, par le grand public. Hein. Avec des petites merveilles, quand même, avec des choses étonnantes. Parce que, bien sûr. À l'époque, quand même, associer Johnny Hallyday à Beethoven, il fallait avoir l'idée. Et donc Labro, qui concocte ce poème sur la 7e, c'était une trouvaille. Et la première diffusion télé de ce titre, je m'en souviens très bien, c'était un dimanche après-midi, ça s'appelait... pas les rendez-vous du dimanche, mais parce que ça c'était Drucker, mais c'était une émission qui durait bien 2-3 heures le dimanche après-midi. Et Johnny était l'invité, et il avait évoqué d'ailleurs dans cette émission sa passion pour le cinéma et pour Yves Montand, en rêvant d'avoir une carrière à peu près similaire à celle d'Yves Montand. Et à la fin, le journaliste qui présente, qui anime, lui dit vous êtes un grand tragédien, on va s'en apercevoir dans la chanson tout à fait inédite et surprenante que vous allez nous interpréter. Alors en fait, c'est un playback. Mais l'image de Johnny était assis et immobile. Hein. Incroyablement saisissante, frappante. Et on entend ce mouvement lent de la 7e symphonie de Beethoven. Et le texte de Labro, c'est quand même très surprenant. Très surprenant. Mais c'est un album il y a quand même des titres qui sont connus. La fille aux cheveux clairs est quand même un titre qu'il a... Tout à fait. Il a ressorti du placard en 98 avec un arrangement de Cassar qui était formidable. Il a essayé et qu'il a ressorti en 2003. Et puis, là-dessus, il y a le fameux Jésus-Christ qui a défrayé la chronique à l'époque. Non, c'est un bel album. Hein. Il y a une collaboration aussi avec Jacques Lanzmann sur deux titres, Parolier de Jacques Dutronc. Ça sera une période intéressante à retravailler parce que l'album est précédé aussi par un single Si tu pars, que j'aime beaucoup, j'aime moins ce que l'amour a baissé. Oui. Mais je toujours préféré la phase B, Si tu pars, avec ce côté geste rotule, avec la flûte et tout. Composition de Mickey Jones et Tommy Brown. Donc en 70, il y a plein de choses sympas, donc ça peut faire un beau projet. Mais bien sûr. Tiens, une autre question, on va te poser. Parce qu'au fur et à mesure que je pose des questions à Jean-François, en même temps, on vous donne quelques anecdotes, quelques trucs sur le futur chez Universal de Johnny Hallyday. Une question de Christian. Pourquoi pas essayer de sortir le concert de 1996 au Paléo Festival de Nyon, en Suisse? Le concert, c'était la télévision suisse romande RTS qui l'avait filmé ce soir-là. Il y avait de l'orage et des éclairs, ce qui devait donner des magnifiques images de ce concert. Ça fait effectivement de magnifiques images. Ça, écoute, une question surprenante. Alors, ce que je peux dire à ton auditeur, si ces images existent, c'est tout à fait possible, je demande qu'à le croire, c'est que c'est encore plus cher d'acheter des images à la Suisse qu'à l'INA. C'est des rats là-bas. C'est incroyable, parce que l'autre jour, on discutait de. On parlait du concert de Bocuse. Ce concert. Bizarrement, quand on le voit, il est juste impossible que Johnny l'ait commencé par « J'ai besoin d'un ami ». Et la retransmission télé, elle commence par ce titre où il est déjà en sueur. C'est déjà un montage déjà, hein, parce qu'avec un petit interview qu'ils font au départ avec Raymond. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a fait le montage et quelle idée saugrenue il a eu de faire débuter ce concert par ce titre. Mais donc, ça aurait été bien, ça aurait été sympathique de récupérer la totalité du concert. Introuvable. Et je crois pas que quelqu'un ait jamais vu, en tout cas si quelqu'un les a vus, c'est sympa qu'il nous en parle, mais si quelqu'un a vu le début du concert, qui commence sûrement par Je suis dans la rue, ça aurait été sympa. Et déjà, la négociation pour sortir ce concert sur les. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu trois triples DVD, boîtes métalliques, donc sur les beaux moments de télévision de Johnny. Il y a vraiment de très belles choses dedans. Je les ai revisionnées là récemment, et il y a des trucs formidables. Notamment, j'adore les émissions avec Guy Béard où Johnny est avec une guitare sèche et il improvise avec Carlos ou des trucs, des chansons de folklore américain. Ouais, c'est vraiment super sympa. Et donc là, on a dans ces DVD la retransmission de l'émission avec l'interview avec De Vos et tout, et le concert de Bocuse. Bon, putain, quand je vois ça, je me dis c'est quand même dommage de ne pas avoir l'intégralité du concert. Mais quand j'en ai discuté un tout petit peu là, avec Personne Universal, ils m'ont dit tu peux pas savoir ce que les Suisses nous ont demandé pour avoir ces images, c'est très très cher. Donc ce concert de Paléo qui est sûrement très bien, et pourquoi pas, mais il y en a d'autres. Hein. Rassurez-vous, des concerts inédits, vous allez en avoir. C'est inévitable, et ça a été dit par des patrons d'Universal ou par le manager de Johnny. Il y a des tas de choses qui vont pouvoir sortir. Il faut simplement donner un peu de temps au temps. Mmh. Et celui-là, bon, il en fera peut-être partie, j'en sais rien. Mais il y a peut-être des concerts aussi bien, moins chers. Oui. qui font l'affaire. Mais c'est sûr qu'en plus, c'était 96, c'est une belle tournée. Encore que. Alors, la tour, aussi, la tournée d'été, c'est la tournée d'été. Zébré. Oui, les cheveux longs. Ah ouais. D'accord. Beau concert aux Francopholies de La Rochelle. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs qui porte sur les Francopholies de La Rochelle. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des concerts magnifiques, dans un cadre génial. Et dans ces DVD dont on parlait, il y a un titre qui est Je suis pas un héros, des Francopholies, donc ça doit être en 91. Oui. Johnny est extraordinaire, enfin, il est resplendissant, il est bronzé, incroyable, saillant, la version est dantesque, Je suis pas un héros, tiens, on aurait pu la passer d'un sort. C'est un titre live qui est extraordinaire, tu vas nous le trouver continuer à parler, puis je te la trouverai. Voilà. Parce que autant la version studio de ce titre est complètement ratée, est vraiment ratée, autant la version qui fait live donc à Bercy en 90 est une réussite. Et cette année-là, toute la tournée d'ailleurs, la tournée du Cadillac Tour, je pense peut-être, en tout cas pour moi, c'est peut-être la plus belle tournée de Johnny. En tout cas, tous les concerts qu'il a fait, que j'ai vus de cette tournée, étaient des concerts absolument extraordinaires. Il avait une pêche incroyable et je trouve que l'orchestre était excellent. Il y avait Norbert Krief comme guitariste. Et Je suis pas un héros sur scène, je me souviens, il l'avait fait à la place de la République pour la fête de la musique. Devant, il y avait 100 000 personnes, c'était un concert extraordinaire, dingue. Ce titre était à chaque fois, je comprends pas qu'il l'ait pas refait après. Je ne comprends pas qu'il l'ait fait qu'une année, qu'une fois, et qu'il n'ait pas voulu le refaire après. On peut dire que c'est des one shot en quelque sorte. Hein, ouais, c'est un sacré one shot. Et tu sais un peu les images, justement, quand on parle un peu de la fête de la musique ou la fête de la République, toutes ces images là après, donc ce n'est pas la possession donc d'Universal, ça. Ah non, c'est Lina. Elles sont à Lina. Donc Lina, Monet. Voilà, bien sûr. Toutes ces images, c'est des documents qui sont chez Alina. Oui. Ouais, je crois qu'ils ont ouvert leur site, Lina, leur site de oh, il y a des trucs offerts, il y a des trucs payants, il y a tout comme ça. J'avais vu sur un document Ina, une émission qu'il avait fait en 71 avec Guy Lux, c'était Système 2 ou un truc comme ça, où il chantait, entre autres, voyez ce que je veux dire, qu'il avait créé au Palais des Sports avant, qui était vraiment le titre qu'il essayait de promouvoir à ce moment-là. Et je trouvais que la version de l'émission de Guy Lux était meilleure que la prise du Palais des Sports. Ah bah, tiens, on va retrouver ça alors. Peut-être que je l'ai, mais je m'en souviens plus. Sûrement, toi. Je m'en souviens plus. Parce que tu as retrouvé Je suis pas un héros. Mais bien sûr, je l'ai retrouvé. Allez. Sans vitesse. On y va, du côté de La Rochelle. Enfin, Francopholie, c'était en 1991. Et c'est toujours vers le 14 juillet qui passe. Toujours. Allez, c'est parti. Johnny Hallyday aux Francofolies en 1991, La Rochelle, bien entendu. Peut-être qu'un jour, donc, on va retrouver ça. Hein. Il faut avoir toujours un accord pour avoir ces vidéos. En fait, quel était le diffuseur des Francofolies? Je me demande si c'est pas France Inter. Oui, c'est France Inter, tout à fait. Donc, il y a du son, il est à France Inter, il faut... En tout cas, voilà, on sait que le 91, c'est France Inter. Je crois que les Francofolies, c'était France Inter. Donc il faudra qu'il y ait un accord avec France Inter. J'espère que France Inter a gardé les bandes. Ils en ont fait plein de partenariats avec Johnny. Ils ont produit plein France de Inter? Trucs. France Inter, ouais, ils en ont fait quelques-uns. Hein. Ils avaient fait. C'est quand même pas RTL. Non, je sais, mais ils en ont fait quelques-uns. Moins que Europe 1 ou RTL, mais ils en ont fait quelques-uns, tout à fait. Ouais. Bah, c'est une radio qui faisait moins de concerts que RTL ou Europe. C'est pas la vocation de France Inter. Mais ils en ont fait, oui. Ils en ont fait, c'est sûr. Oui. C'est déjà beau, quand même, ce qu'on nous propose, quand même. C'est déjà beau. C'est sûr qu'il faut. Ça passe du temps. Autre question, une question qu'on rabâche à chaque fois, hein, qu'on nous pose à chaque fois, c'est des nouvelles du Palais des Sports de Paris de 1971 en DVD un jour. Est-ce qu'on aura des images? Jamais. Et voilà, jamais. Voilà. Il faut arrêter de penser. La seule personne qui a priori a filmé quelque chose, c'est Monsieur François Reichenbach. Pour le film J'ai tout donné, Monsieur Reichenbach n'existe plus aujourd'hui, et plus personne n'est absolument capable de dire ce que ces bandes sont devenues. En fait, on nous a même dit qu'elles étaient parties dans une benne, donc faut pas rêver. La seule chose qui existe au Palais des Sports 71, ce sont des documents d'INA, toujours, mais des courts documents. Très courts, tout à fait. Voilà, à peine 2 minutes, comme ça. Voilà, mais il y en a plusieurs, donc ça permet d'avoir une toute petite idée. Mais c'est vrai que c'est super sympa de voir Johnny et Paul Naref, d'entendre des extraits de ce concert. Je serais le premier, moi, ravi, parce que c'est un concert que j'ai adoré. C'est un de ceux que j'écoute le plus en live. Je t'avais demandé de programmer Je suis dans la rue, version 71. Je vais te la chercher. Pourquoi? Parce que je trouve que dans ce morceau, le chorus de Rolling atteint la perfection. Et je pense que ce guitariste, dont j'ai eu des nouvelles par une tierce personne récemment, il vit dans le sud-ouest d'ailleurs, je crois. Pour moi, c'est le plus grand guitariste qu'il y a eu, Johnny. J'adore ce mec. Quand je le vois au Palais des Sports 76 sur la musique que j'aime, il y a une complicité entre lui et Johnny qui est absolument incroyable. Et c'est un technicien, et puis quelqu'un qui. Ses chorus, ses solos, sur Je suis dans la rue, compare avec ceux qu'on a eu récemment. Il n'y a pas photo. Tout à fait. C'est un grand guitariste. Tu sais pourquoi la collaboration Johnny et Jean-Pierre Rolling-Azoulay a cessé? Alors, d'abord parce qu'ils ont resté un bon moment ensemble, qu'ils ont beaucoup tourné et que probablement il a eu envie de passer à autre chose. Quelqu'un m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il commençait à avoir des problèmes de surdité. D'accord. Qu'il avait décidé de mettre un peu le holà à tout ça parce que ça finissait par avoir des conséquences sur ses tympans. Je sais pas si c'est vrai, mais on me l'a dit, et de personne qui est plutôt fiable, donc j'aurais plutôt tendance à croire que ça peut être une des explications. Puis tu sais, finalement à l'époque, ils sont quand même restés assez longtemps ensemble. Il est arrivé en 69, il est parti en 77. Ça fait 8 ans de collaboration. C'est une époque où Johnny tourne tout le temps. Oui, tout à fait. C'est pas comme dans les années 90. Là, il est quasiment constamment sur les routes. Donc, ils ont beaucoup joué ensemble. Ce qui est étonnant, c'est que Rolling, il a arrangé un morceau studio de Johnny, c'est sur l'album Derrière l'amour, c'est Né pour vivre sans amour. C'est la seule fois où il est crédité en tant qu'arrangeur. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant sur ce titre. Sur ce titre, et puis bon, alors qu'il a beaucoup joué en studio pour, ah, pour Johnny, il a fait beaucoup d'albums, mais en tant qu'arrangeur, mm-hmm. c'est le seul titre où il est crédité. Mais il a été, enfin, je l'ai dit l'autre jour dans un podcast, dans le podcast que j'ai enregistré, comparaison peut-être un peu osée, pour moi, il est à Johnny ce que Mick Taylor a été aux Rolling Stones. Mm-hmm. Et enfin, j'adore ce live 71, hein, à la fois Tommy Brown qui batteur qui dirige l'orchestre, incroyable, Rolling, et puis Paul Naref au piano, c'est un vrai bonheur, quoi. La seule compensation qu'on peut avoir, c'est justement, c'est de regarder à nouveau les films J'ai tout donné de Jean-François Reichenbach, que j'ai visionné hier encore. Une belle réussite, parce que l'image est très belle. Oui. L'image est très belle, et c'est, ça montre bien le reflet d'une certaine époque. Les gens qui sont plus jeunes aujourd'hui ont peut-être du mal à imaginer, mais à l'époque, les concerts duraient une heure et quart. C'est ça, oui. Il y avait une première partie. Et donc, pendant une heure et quart, l'intensité du concert, la dépense d'énergie de Johnny et des autres artistes, mais surtout de Johnny, était absolument incroyable. Quand vous faites 2h30 de concert, il y a forcément des moments où il faut des temps de respiration, des moments un peu plus calmes et tout. 71... C'est un tambour battant. ça s'enchaîne du début à la fin. T'as un medley de rock'n'roll au Palais des Sports qui est absolument phénoménal. Tu sors de là, t'es KO, quoi. Il a donné tout ce qu'il pouvait, et toi, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et c'est vrai que le film de Reichenbach, je regarde aussi assez régulièrement. J'aime bien parce que c'est un plaisir de regarder ça. Oui, ouais. Et puis il y a des images qui me rappellent tellement de souvenirs. Johnny descendant les Champs-Élysées sur son chopper et qui voit ces gigantesques panneaux publicitaires qui recouvre le bas des champs pour annoncer son concert au Palais des Sports. L'affiche est fantastique. L'affiche du spectacle qui sera la pochette du disque. Mm-hmm. Et c'est une des plus belles pochettes live qu'il ait eues. Hein. Ce bleu-rouge là et ce gros plan. Et puis j'ai raconté l'autre jour que Bernard Pivot avait fait un article, évidemment très bien écrit, parce que c'est du Bernard Pivot dans le Figaro, où il comparait la façon dont Johnny tenait son micro à la façon dont on tient une bouteille de Coca-Cola ou de Ginny, qui sont en fait les deux marques qui sponsorisent son concert quand on la boit. Et c'est, là, le papier était c'était Ginny et Perrier. Ginny et Perrier, oui, absolument. Oui, je me toujours revois l'image, oui, je revois l'affiche. Oui, je crois que c'est le même groupe, en fait. Coca-Cola et Perrier, c'est pas le même groupe. Donc Ginny et Perrier, oui, tout à fait. Et donc, le papier de Bernard Pivot était assez bien écrit, évidemment. C'est assez marrant. On va illustrer ce Palais des Sports 1971, auquel nous n'aurons pas d'images. On se console des images que nous avons actuellement, comme le film de François Reichenbach, J'ai tout donné. Il y a deux gros manques, mais ça, on l'a dit, répété, on l'a pas dit, c'est Johnny Circus et le Palais des Sports 71. Bon, Johnny Circus, on en reparlera après si besoin est. Ouais. Palais des Sports 1971, Johnny Hallyday sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, je suis en compagnie de Jean-François Chenu. Je n'ai pas sourire. Je suis dans la rue. Je n'ai pas. le soir. Eh bien, souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Écoute, on va parler sur la musique. On va parler un petit peu. C'est bien aussi. C'est bien ce que t'envoies là. Tu vois un peu, hein. Extrait de l'album Flagrant Délit 1971. Mais bien sûr, c'est une très belle année 1971. Bah écoute, bon, on peut parler dessus comme ça, c'est bien aussi. Ce Palais des Sports, il a fait 7 titres de Flagrant Délit au Palais des Sports en 71. Il n'a pas fait celui-là. Mais c'est un des premiers qu'on a entendu, puisque c'était la B-side Hommage à Louis Sarah. Et qu'il avait été diffusé sur une radio qui à l'époque soutenait Johnny. Donc, composition de Gary Wright. L'excellent Gary Wright, une des oui. quatre compositions de Gary Wright. Oui. Quand tu penses qu'il a, il a retrouvé Gary Wright sur l'album Rester Vivant, tant d'années après, c'est étonnant, ça. C'est une belle histoire. Mais j'aime bien ce titre. J'aime beaucoup ce titre. J'aime beaucoup aussi. De toute façon, je crois que tous les titres de Flagrant Délit, je les aime bien. Mais celui-là, un titre qu'on entend très souvent, et ça fait plaisir d'entendre. Je l'écoutais beaucoup petit, celui-là. Tu vois, ouais, quand j'avais le 45 tours, je l'écoutais. Ouais, j'écoutais plus la seconde face que la face A, que m'a joué ça. Moi, ça a été souvent le cas, mais là, je crois que j'ai écouté les deux. Mais ce 45 tours-là, c'est celui que j'ai le plus écouté de tous les 45 tours de Johnny. Et, hommage à Issara, que j'ai tort ou raison. Mais vraiment, vraiment un beau titre. Encore une quelques questions. On parle de vinyle, de vinyle sorti, des vinyles live. Il y a des vinyles qui n'ont jamais été édités. Oui. Alors, est-ce que tu sais qu'un jour, est-ce que l'autre va, Universal va réparer ce méfait, on va dire, ou cet oubli? Je ne sais pas de quel live tu parles. Alors, parce que, je te parlais. Je suis pas un spécialiste du vinyle. Le Lorada 95, par exemple. D'accord. Et tu as aussi le Las Vegas, donc le Las Vegas 96. Bon. Las Vegas, c'est pas le meilleur souvenir quand même des lives de Johnny. On l'a bien ressorti en 2003, la version intégrale en 2003. Oui, enfin, quand tu l'écoutes bien, c'est quand même un montage entre des voix faites en studio, une partie en live. C'est compliqué quand même à Las Vegas. Hein. Pas oublier dans quelles conditions ça s'est passé. On pourra faire peut-être une émission un jour là-dessus. Le concert de Las Vegas, j'y étais. J'ai vraiment vu des gens à la sortie qui étaient tristes, qui pleuraient. Et Jean-Yves Billet, qui a porté ce projet, m'a raconté dans quelles conditions il a pu sortir le disque Destination Vegas, un peu de temps après d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Qui est un flop monumental. Ça a été épique. Mais bon, c'est fini par sortir. Alors après, le live, il se balade entre des prises effectivement live et puis les voix refaites en studio. Bon, c'est pas le meilleur quand même. C'est dommage. Track listing extraordinaire. Tout à fait. Extraordinaire. Mais bon, il était pas en grande forme ce soir-là. Voilà. Lorada, de toute façon, c'est un album. Ça sera forcément, à un moment ou à un autre, un album qui sera retravaillé, enfin en tout cas reproposé au public, probablement dans la collection livre-disque d'ailleurs. Et effectivement, le live sera aussi partie des produits travaillés. Et il n'y a pas de raison que le vinyle ne sorte pas, puisqu'il y a cet engouement pour le vinyle. Bien sûr, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut profiter, il faut surfer sur la vague. Voilà. Mais de toute façon, la collection qu'Hachette propose de sortir, je pense qu'elle ira au-delà des studios et qu'il y aura des lives aussi. Je pense que si ça marche bien, ils essaieront de faire la quasi-totalité des albums de Johnny, dont celui-là. Ce que je dis là, je n'ai aucune certitude. Hein. Mmh. Mais des discussions que j'ai pu avoir avec eux en réunion, tout ça, quand on a parlé du projet, je sens bien qu'ils ont une envie d'en faire le maximum. Donc oui, il faut. Ça, il faut. Je comprends bien qu'on ait envie d'avoir cet album. Le Lorada Tour, c'est quand même un grand live. C'est un grand spectacle, c'est un grand live. Donc s'il n'est pas sorti en vinyle, il sortira un jour. Il sortira un jour, tout à fait. Bon, voilà, oui, parce qu'ils ont sorti récemment, ça c'est Warner qui a sorti récemment en couleur des albums du genre Ça ne finira jamais, ouais, qui était sorti à l'époque en 25 cm, dans des coffrets. Ça ne finira jamais en vinyle. Le studio, tout à fait, oui. Comme l'album Le cœur d'un homme, qui est d'accord, sorti aussi en version 33 tours, couleur également, qui était souvent sorti en version picture disc. Voilà. Si on fait un petit récapitulatif... Alors, donc, on vient de sortir, on a un beau coffret 67, voilà, avec magnifique. Un palais des sports qui retrouve vraiment toute sa jeunesse et son efficacité. Ensuite, donc, le 7 juin, un coffret de 20 Paper Sleeves, Johnny International, donc ce sont les albums sortis au Japon, en Argentine, en Espagne, en Italie, en Hollande, voilà, aussi, Hollande, tout ça. Etc. Il y a une question qu'on me posait, est-ce que ça sera uniquement vendu en France après? Alors, en France, sans doute en Belgique aussi, et de toute façon sur Internet, ça se trouve dans n'importe quel pays du monde. Hein. Donc, tout à fait. Voilà. Ensuite, donc, on aura la sortie cet été, donc normalement de la collection Hachette vinyle, avec donc là au moins 50 numéros, du moins, numéros prévus, et plus si besoin. Et puis d'ici la fin de l'année, d'autres projets qui sont en cours d'élaboration, il devrait y en avoir au moins 3 pour la fin de l'année. Donc de quoi quand même alimenter et nourrir le back catalogue de Johnny et l'œuvre de Johnny. Et en même temps, donc, et ce fameux Rivière ouvre ton lit. Hein, qui, alors, le prochain livre-disque sera celui-là, sur 69, l'année 69, l'album Rivière, mais pas que, puisque encore une fois, il y a Que je t'aime, il y a il y a le Palais des Sports, donc, qui sait, peut-être Barcarès, mais ça ne dépend pas de, d'Universal. C'est la bande, est chez, si elle existe, elle est chez Europe 1. Et est-ce qu'ils l'ont toujours? J'en sais rien. Ça sera... c'est, mais c'est vrai que ça, ça Barcarès, fait rêver tout ça. Barcarès, ça fait, on en parle souvent. Oui. C'était Michel Lancelot, qui était un merveilleux animateur, qui avait fait ces deux années de suite les concerts en direct de Port Barcarès en 69 et 70. Mm-hmm. Et en 69, Johnny venait de tourner Le Spécialiste. En Italie, et il n'avait pas chanté sur scène depuis un bon moment. Il est arrivé d'Italie spécialement pour ce concert, un peu tendu, un peu anxieux, mais en fait, il est éblouissant. C'est vrai que c'est un concert extraordinaire. J'espère beaucoup que ça sortira, mais ça, on croise les doigts. Exactement, c'est ce qu'on espère aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, écoute, et puis après, il y aura plein d'autres choses l'année prochaine. Oui, et puis tu sais très bien que quand on aura encore des nouveautés, quand on en saura un peu plus, eh bien, tu seras le bienvenu dans cette émission de Johnny 2AZ. Écoute, sur les projets qui sont en gestation, ça pourra, si ça aboutit, et par exemple que ça aboutisse pas, on pourra faire de belles émissions. Oui. Avec plaisir, avec grand plaisir. On est toujours heureux. Je suis toujours heureux de te retrouver. Puis les auditeurs également sont toujours heureux de te retrouver. Ouais, tant mieux. À bord de l'émission. Tant mieux. C'est un plaisir. Alors, Jean-François, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que tu veux un titre live? Est-ce que tu veux un titre studio? Est-ce que les auditeurs ont des questions à poser? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé avec vous, les auditeurs. Mais j'espère que cette émission vous a plu. Mais écoute, si on se passait un titre de Bob Seger, Perdu dans le nombre. Allez, Perdu dans le nombre. Bob Seger, qu'on a parlé beaucoup tout à l'heure entre nous, là. off. Oui, comme on disait. Si on connaît Bob Seger, c'est grâce à Johnny. C'est grâce à Johnny. Et surtout, je pense, avec le bon ton du rock'n'roll, qui a été le. C'est le premier titre, le titre déclencheur, non, on va dire. Oui, enfin. Déclencheur, c'est pas le premier, puisque. Bah, avant. Si, c'est le premier. C'est le premier de. C'est la première adaptation. Puis après, il en a fait beaucoup. Il a fait Pas dans le nombre. Et après, il a fait Brave Stranger, Deux étrangers. Il a fait toujours le même aussi. Toujours le même, Still the Same. Il a fait Like a Rock. Comme un rock, c'est le dernier titre qu'il a. Donc, il a fait également. Deux étrangers, il l'a fait sur l'album En pièces détachées. Et il l'a repris sur scène dans les années 2000. Ouais, et pour moi, c'est toujours une réussite. Oui. Tout ce qu'il a fait de Bob Seger, c'est une réussite, et même parfois supérieur à l'original, comme de la chanson de Brave Stranger, pour moi. Surtout sur scène. Oui, mais pas Like a Rock. Like a Rock, la version de Bob Seger est supérieure, mais c'est logique, hein, c'est une version studio. Celle de Johnny, c'est une tout version à Vegas, donc live, avec avantage et inconvénient du live. Écoutez Bob Seger aussi. Écoutez Bob Seger, écoutez Garth Brooks. Surtout que Bob Seger fait sa dernière tournée, il tire sa révérence. Donc il fait une grosse tournée aux États-Unis. Encore un qu'on ne verra pas en France. Et encore un qu'on ne voit pas en France. Il est venu une fois au Pavillon de Paris dans les années 70. Je ne connaissais pas à l'époque, donc je me suis pas. J'ai regretté, j'y ai pas été. Et puis jamais revenu. Non, on se console avec les albums live. Ah oui, on se console avec ça. Qui sont très bons. Je pense que là, il va faire un dernier album, puisque c'est la dernière tournée. On écoute tout de suite Bob Seger, Perdu dans le nombre, extrait de l'album à partir de maintenant, sorti en 1980. Ce matin, j'attends le soir pour un boulot payé en retard. Vous êtes toujours là, vous écoutez toujours à l'antenne de RIG, la radio de Johnny Hallyday. Tout à l'heure, on nous a parlé du Zénith 84, qu'on reverra peut-être le jour dans une version intégralement live. Et voici la version qu'avait filmée Guy Job en 1984. Donc ça, c'est extrait du DVD. Drôle de fumée, drôle de pudeur, qui m'a dessiné, oh ton corps, un drôle d'alcool, marque sur ma peau, ton prénom. Dans mon musical, toutes les nuits, la star c'est toi. Artificiel. Version vraie live de ce Zénith 1984. On le verra un jour. Oui. Belle composition de Mort Schumann. Grand monsieur. Exactement. Grand monsieur. Tiens, eh bien, écoute, on va devoir se quitter. Pour mieux se retrouver prochainement. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci Jean-François de m'avoir accompagné et d'être venu. Merci de m'avoir invité. D'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Je sais que demain, tu dois aller voir Universal, c'est ça encore? Pas demain, non. Demain, je suis avec mes étudiants. Ah voilà. Mais donc, après-demain. Non, vous saurez rien. Vous saurez rien. Non, rien de plus. On se quitte avec Back to LA, que tu as choisi pour terminer cette émission. Et puis, du dernier album, Mon pays, c'est l'amour. Et puis donc, nous, on se dit see you soon. Back to the radio, RIG. Yes. Ciao, bye bye. À bientôt, Jean-François. Bonne ciao. Nuit. J'ai pas un sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris? ça s'achève cette émission Johnny de A à Z avec en invité spécial Jean-François Chenu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Johnny de A à Z. Et oui, et aussi un nouvel album ou, je sais pas, un nouveau thème. J'en sais rien, je sais pas, je suis pas encore là moi. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Et bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.